nuit tombe, je range ma vie comme s'il fallait partir ce soir. Faire un dernier tour, voir ce qu'on oublie autour de soi. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, des souvenirs qui perdent de la mémoire. Comme si j'effaçais tout, refaisais l'histoire, refaisais l'amour. Tout me semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne. Comme si tout est écrit, qui enfin s'abandonne. J'ai fait quoi de ma vie? J'ai fait quoi de ma vie? À quoi m'a-t-elle servi? Et à quoi j'aurais servi? Est-ce qu'on me pardonne? Est-ce qu'on m'a compris? Comme pour une seule personne, c'est aujourd'hui ce que j'ai fait de ma vie. J'ai fait le tour, je crois, de ce qu'on pouvait attendre de moi. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas ce qu'il me reste à faire. Je peux fermer le passé, je peux m'en aller pour n'importe où. Comme s'il était temps de partir, je laisse la place pour d'autres avenirs. Et même si je me dis tant pis, je n'ai pas tout réussi. Je pars sans regret, j'ai fait mon possible. Personne n'est parfait, à moins qu'il vienne me dire ce qu'il a fait de sa vie. Ce qu'il a fait de sa vie. À quoi il a servi? Est-ce qu'il a mieux réussi? Est-ce qu'on me pardonne? Est-ce qu'on m'a compris? Comme pour une seule personne, c'est aujourd'hui ce que j'ai fait de ma vie. Et la nuit peut bien tomber sur mes erreurs et sur mes fautes. Sur les routes que j'ai manquées, j'en ai connu d'autres. Je peux même en refaire et la tête haute revenir en. J'ai fait ça de ma vie. J'ai fait ça de ma vie. Et la tête haute, la tête haute. J'ai fait ça de ma vie. Et j'ai fait ça de ma vie. J'ai fait de ma vie.